faisait l'amour trois fois par jour. Mais non, c'est pas ça. Il faisait l'amour tous les deux jours. Non plus. Il faisait l'amour une fois par mois. Ah oui, mais ça c'était il y a longtemps. Il faisait l'amour tous les trois ans. C'était un couple merveilleux. Mais ce salaud s'est tiré une petite belle dans la tête. Ha ha ha.